Ce garçon ressemble à sa mère. Oui, c'est fou comme il lui ressemble. Ce chapeau va bien à votre fille. Oui, c'est fou comme il lui va bien. Ce jouet plaît beaucoup à votre petit garçon. Oui, c'est fou comme il lui plaît. Ses enfants ressemblent à leurs parents. Oui, c'est fou comme il leur ressemble. Ses lunettes vont bien à votre professeur. Oui, c'est fou comme elles lui vont bien.